Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr pour les Infinite Wars 2015. Ils étaient 168 personnages au tout début des Infinite Wars il y a maintenant 2 mois. Ils ne sont plus que 64, 32 personnages des univers comics et 32 personnages des univers écran. Chaque semaine, nous vous proposons un combat qui opposera 8 personnages. Il ne restera qu'un à la fin de chaque émission avant la grande finale qui aura lieu le dimanche 6 septembre. En direct, le round 5 des Infinite Wars 2015, c'est maintenant. Comme pour tous les rounds comics cette saison, avec moi ce soir pour défendre leur champion, Arnaud. Salut. Byron. Salut. Clément. Salut. Nib. Salut. Et Elvire. Salut. Nous sommes donc dans le round 5, un round comics cette semaine. On va rentrer dans le vif du sujet. Maintenant, on a l'habitude, pas besoin de rappeler les règles. Nous aurons 4 duels. Je précise que Arnaud et moi-même avons toujours notre joker et pouvons à tout moment choisir de qualifier automatiquement notre personnage. Premier combat, Elvire, tu vas devoir rentrer en piste d'entrée et défendre Harley Quinn. Et Clément, tu vas devoir toi aussi entrer en piste et défendre Kitty Pryde. Elvire, à toi l'honneur. Harley Quinn, qui est-elle? Alors, qui est Harley Quinn? C'est à la base un médecin psychiatre qui travaille à Arkham, mais elle travaille à la réhabilitation des patients. Mais un jour, elle rencontre le Joker. Et elle tombe amoureuse de la folle du Joker et elle l'aide à s'évader, elle est prise et ce qui est ironique c'est qu'elle devient, elle a même une cellule à Arkham après et voilà, toute sa vie tourne autour de sa relation avec le Joker en particulier et aussi c'est aussi un duo avec Poison Ivy. Mmh. Et voilà comment résumer. Ok, Clément, qui est Kitty Pryde? Kitty Pryde est apparue pour la première fois en janvier 80 dans le numéro 129 des X-Men. Donc c'est un membre des X-Men, donc qui a connu différents surnoms, notamment le plus connu est Shadowcat. Donc elle est surdouée, donc elle a un quotient intellectuel vraiment important. Elle est spécialisée en informatique et en électronique, et son pouvoir est qu'elle peut traverser n'importe quelle matière solide. Donc voilà. Et elle est douée. Pourquoi? Au corps à corps. Ah bah ça. Pourquoi Harley Quinn devrait-elle gagner, Elvire, face à Kitty Pryde, en tout cas? Face à Kitty Pryde. Parce que moi j'aime bien les personnages qui n'ont pas de pouvoir à la base, en fait, qui se construisent eux-mêmes et j'aime bien ce côté de quelqu'un qui bascule d'une sorte de norme et qui bascule dans la folie avec accompagné de quelqu'un d'autre. Mais elle on l'associe beaucoup au Joker, mais elle est pas que ça. Elle est débrouillarde, elle est capable de se défendre seule, elle est drôle. Il y a aussi le son duo avec Poison Ivy qui est très intéressant parce qu'il s'attaque aux grandes figures masculines de Gotham. Elle est badass, elle est kick-ass aussi, et c'est voilà, même s'il faut pas l'arrêter qu'à ça, mais sa relation avec le Joker qui est un peu love-hate, enfin plutôt love que hate, mais est super intéressante, et voilà. Ok, et pourquoi, face à tous ces arguments, Clément, pourquoi Kitty Pryde devrait-elle quand même battre Harley Quinn? Déjà parce que c'est quand même Harley Quinn, c'est quand même un clown, hein. Après, là j'ai presque envie de défendre Harley Quinn. Là j'ai une phrase, ça te fait un deadshot direct. Donc vas-y. Ouais, mais vous me déconcentrez aussi. Crie-la moi. Non. Mais arrêtez de me perturber. Pas d'argument, t'as pas d'argument. En plus, elle est pas connue. C'était ça. Elle est pas connue. Harley Quinn, on la connaît. Voilà, au moins, on la connaît. Et Clément, toi, dirige. Elle va avoir une série en plus. Mais oui, on la connaît. Allez, vas-y. Mais oui, vas-y. Allez. Ah, puis. Oui, non, t'es pas fait. Mais Clément, tu es dans ton héros ou pas? Mais non, mais. Tu as ma honte, là. Et vas-y. Bah oui, mais je cherche en fait. Voilà. Ah, voilà. Si t'as besoin de chercher, c'est que tes amis sont pas, pas convaincus. Oh bah voilà. On va voir. Passons au vote. Hein. Ouais, bah vas-y, j'ai même pas envie de me... Putain, t'es sérieux là? Mais je non, mais le gars. Je pensais pas qu'elle serait retenue. Non mais imagine, t'es sur la chaise électrique, quoi. Vous avez un dernier mot? Oh, je sais pas, vas-y, tuez-moi, quoi. Non mais c'est victoire par KO, c'est tout. Donc Harley Quinn a eu seulement 3 points du public, donc c'est quand même pas... Hein mm-hmm. Kitty Pryde en a eu 1. Ce qui est quand même pas... Voilà. Quand même pas non plus 1. Clément, j'imagine que tu donnes un point à Kitty Pryde. Ouais. Bah, vu son argumentaire, non. Et Harley Quinn a un point de la part d'Elvire. Maintenant, c'est à nous de trancher Arnaud. Non, mais parce que là, il n'y a aucune argumentation du côté de Kitty Pryde. Je vote pour Harley Quinn. Nib. Alors, le prends pas pour toi, Elvire, mais j'adore de base le personnage de Kitty Pryde, malgré qu'elle ait été massacrée par, par Clément. J'accorde tout de même ma voix. Mais à d'accord. Kitty Pryde, pas à Clément. Je préfère. Iron. Moi, bah, je votais pour Harley Quinn. Et pour ma part, je vais quand même voter pour Harley Quinn, si, quand même. Harley Quinn 10, Kitty merci, Pryde Clément. 4. Harley Quinn passe donc au prochain stade. Et Clément, tu vas avoir l'occasion de te rattraper directement. Parce que et là, on te fera pas de cadeau. Parce que si Damian Wayne, tu nous le défends pas aux petits oignons. Ah bah, s'il la défend contre Kitty Pryde, c'est mais attention, il est face à un personnage qui, dans mon cœur, a également beaucoup de place. C'est Arnaud qui va le défendre, c'est Marco de Saga, qui a réussi à se faufiler ici, et je ne croyais franchement pas que le public allait voter pour un personnage vraiment moins connu que, et plutôt de l'univers indépendant. Donc voilà, Marco est ici, et il va devoir se confronter à Damian Wayne. Robin, Damian Wayne, à Clément, présente-le nous. De quoi? Vas-y, présente. Tu vas pour Marco. Mais non, mais arrêtez. Bon, on lui fout la paix. Vas-y, présente d'abord. D'accord, mais oui, donc c'est un personnage qui a apparu la première fois en 2006 dans le numéro 655 de Batman, créé par Grant Morrison et dessiné par Andy Kubert. Bah, c'est ni plus ni moins que le fils de Bruce Wayne et de Talia al Ghul. Donc récemment, il a été, il a connu des péripéties, hein, puisque le personnage a d'abord été dans le premier temps tué, mais ça, a été, bah oui, quand même. C'est pas petite péripétie parce qu'il a été ressuscité très récemment. Et non. Donc, voici. Sans déconner, il a été ressuscité récemment et puis il a le droit à son titre solo depuis peu. Ok. Arnaud, qui est Marco? Alors, c'est un des héros de Saga, qui est arrivé en 2013. Une série qui a reçu énormément de récompenses, déjà, ça veut dire quelque chose. Et donc, c'est un soldat qui est coincé dans une guerre millénaire entre deux races extraterrestres. Et finalement, il tombe amoureux de l'une de ses ennemies, et ensemble, ils ont une enfant qui est une hybride des deux races. Voilà. Marco, pourquoi devrait-il surpasser Robin Damian Wayne dans ce combat, Clément? Arnaud, je veux dire. Déjà, c'est certes un soldat, mais c'est pas un mauvais soldat, c'est un grand guerrier de l'armée, c'est quoi le nom déjà de la planète? Lunaire. Ouais, c'est Clivage, je crois. Mais... Clivage. Bref, c'est un grand guerrier qui... C'est un grand guerrier et la particularité de sa race, c'est qu'ils peuvent utiliser la magie, ce que Damien n'a pas. Ça reste un être humain, même s'il a ressuscité, mais c'est pas grâce à ses pouvoirs qu'il est revenu à la vie, contrairement à Marco qui a des pouvoirs, et dont notamment une épée avec laquelle il peut faire beaucoup de ravages. Et des ravages, ils peuvent faire énormément, parce que c'est un personnage qui a une grande violence en lui, mais comme il a renoncé à la guerre, parce qu'il a trouvé l'amour, il a fait serment de ne plus se battre, de ne plus utiliser sa violence, sauf en cas de nécessité pour protéger sa famille. Et sa famille, elle est souvent en danger, parce que, comme je l'ai dit dans la présentation, avec Alana, qui appartient à la race extraterrestre opposée. Ils ont tous les deux une enfant qui est une hybride des deux espèces. Et donc c'est un peu l'enfant dont tout le monde veut avoir, puisque c'était jamais arrivé avant. Personne ne pensait que c'était possible que les deux que les deux espèces puissent avoir un enfant. Et donc elle représente beaucoup d'espoir pour arrêter cette guerre qui ravage tout l'univers. Et Marco, c'est un père qui aime sa femme, qui aime énormément sa fille, sa famille, qui ferait tout pour la protéger, et il peut la protéger aussi avec l'aide de sa femme, avec l'aide de ses parents, qui font partie de la même race. Donc eux aussi utilisent la magie. Et que peut faire un humain face à la magie? Pas grand chose. Ok, et ben comme diraient les grands poètes, répasse ça, Clément. Attends, je fatigue. K.O. encore, hein? Non, mais non. Non, pas K.O., pas avec Damien. Mais non, pas avec Damien. Mais non, c'est quand même le Robin le plus intéressant du Batverse, pour la simple et bonne raison que c'est le fils de Batman, mais surtout de Bruce Wayne, et ça donne lieu à des scènes très attachantes. Entre lui et son père, c'est un rapport qui est ambigu, mais quand même, c'est un personnage très très bien écrit, badass d'un côté, arrogant de l'autre, mais excité qu'il est attachant. Et n'oublions pas que c'est avec la perte de ce personnage, mais du coup, c'est quand même grâce à ce personnage qu'on a eu droit à un superbe numéro en son hommage. Il est quand même revenu des morts, revenu parmi les vivants, qui n'est pas donné à tout le monde, et il a quand même foutu une grosse boost avec ses pouvoirs à Apocalypse et ses pairs. Et Batman sans Damian Wayne serait plus vraiment Batman, franchement. Tu l'as dit toi-même, c'est un personnage arrogant. Oui, mais c'est un personnage. C'est un personnage détestable. Dès le premier numéro, il est détestable. Et en plus, la relation père-fils, on l'a déjà vu avec tous les robots. Ça, c'était des fils adoptés, mais la relation père-fils, on l'a déjà vu ailleurs. Et c'est un personnage détestable dès le premier numéro parce que c'est un gros arrogant qui croit qu'il est le meilleur. Et d'ailleurs, il croit qu'il est le meilleur, et on le voit. Quand il affronte tous les Robins, il attaque tous les Robins exprès pour prouver qu'il est le meilleur, le plus grand arrogant, le plus grand Robin arrogant. On va laisser Clément terminer son argumentaire et puis après on passera au point. Vas-y Clément, Il a un côté arrogant, mais c'est parce qu'il veut justement montrer à son père ce qu'il vaut, et c'est ce qui rend le personnage attachant, c'est qu'il a envie de montrer qu'il veut vraiment montrer qu'il est le digne fils de Bruce Wayne. Donc oui, il est peut-être arrogant, mais en attendant, en tant que Robin, il est quand même très bon, et en tant que fils de Bruce Wayne, il n'en est que meilleur. D'accord. Les auditeurs ont avant ça. Arnaud, ton Joker est encore disponible. Est-ce que tu veux tuer Damian Wayne? Non. Ah, Elvire, à un moment, j'ai entendu retenir ton souffle. Tu le souhaitais, hein, tu l'aurais voulu, toi. Non, j'étais en train de lui dire non, ne prends pas le Joker. Ah, d'accord. On va tous voter pour toi. D'accord. Ok, sachez que les auditeurs ont attribué 5 points à Damian Wayne qui arrive en tête sur cette émission. Et Marco a quant à lui obtenu 2 points puisqu'il est arrivé, il me semble, 5e de mémoire. Clément, tu donnes ton point à Robin, évidemment. Arnaud, tu donnes ton point à Marco, évidemment. Bah oui. Eh bien, c'est à toi, Byron, alors. Moi, je vote pour Damian. Nib. Je vote pour Marco parce que Arnaud, on a fait un très beau résumé. Je connais pas le personnage et ce qu'il en a dit, ça me donne envie. Elvire. Bah, la même chose que Nib. Moi, je connais pas du tout Saga, mais Arnaud m'a donné envie de commencer, et surtout Damien a été très mal vendu. Mais il y a pas un interro, quoi. Il ne reste plus que moi. Ah, oh, putain, pour une fois, je peux faire pencher la balance. T'adores Saga. Damien a été bien vendu, quand même. Les arguments étaient plutôt ceux que moi j'aurais sortis aussi. Marco a été super bien vendu. J'adore Saga. Damian Wayne, j'allais dire Damian m'a fait pleurer, mais non, c'est pas Damian qui m'a fait pleurer. C'est ce qui s'est passé après. C'est Batman qui m'a fait pleurer. Marco me touche à chaque fois que je le vois paraître sur une page. Enfin voilà, chaque intrigue autour de lui est incroyable. Et Saga reste un coup de cœur ultime. Marco. 9 pour Marco, 8 pour Robin. Je regrette déjà. Faut pas, c'est la bonne décision. Faut pas. Allez, je vous propose la revanche. Clément va défendre Groot et Arnaud va défendre Hulkling. Clément, Groot, Qui est-il? Qui est-il? Bah, c'est ni plus ni moins. Déjà, un arbre. Déjà, pour commencer. Déjà, un arbre. Qui parle? C'est mon argument. Ça, c'est mon argument. On est déjà senti. Rocket Raccoon. Effectivement, qui parle. Donc, c'est un arbre. C'est le meilleur ami de Rocket Raccoon. Bah, il est membre hein, des gardiens de la galaxie. J'ai la flemme de le présenter davantage parce que rien parce que c'est un arbre. D'accord. Il te mérite mais, pas. Hein, c'est, mais c'est une stratégie. C'est une stratégie. Un peu de suffisance finalement avec Groot. Hulkling. Prends pas parti. Bah non, mais c'est un peu ça. C'est, il est tellement bien, il n'a pas besoin d'être présenté plus. C'est un argument aussi. Hulkling, Arnaud, je pense, lui, a besoin d'un peu plus d'introduction. Eh bien, il est moins connu, mais il mérite beaucoup quand même. Alors, son nom ressemble à Hulk, bien sûr, son apparence aussi ressemble à Hulk, mais ce n'est pas une autre version de Hulk, hein, malgré le fait qu'il soit vert. Hein. C'est en fait un métamorphe hein, qui est issu de d'un roi Kree et d'une princesse Skrull, il me semble, ou l'inverse. Et donc, à cause de ses parents, il a la possibilité de, notamment d'être métamorphe, de changer en ce qu'il veut. Et c'est un personnage qui est apparu dans les Young Avengers, numéro 1, en 2005, juste après que les Avengers se soient séparés. Et du coup, il n'y avait plus personne pour sauver New York et le monde, mais il y avait les Young Avengers, dont le film, pour sauver la mise. Ok. Pourquoi Groot devrait-il mettre la pâtée à Hulkling, Clément? Un argument majeur. Ah, Baby attention. Groot. Baby Groot. Ah oui, mais c'est au cinéma, donc là on est dans les comics. Non, et non, Mickey. Non, il existe en comics aussi. Il y a un Baby Groot dans les comics? Bah oui, je crois. Et il danse dans son pot de fleurs, comme celui que tu veux perfidement inséré dans notre tête? Mais non, mais il existe. Moi je dis, c'est une insulte, c'est honteux, c'est faux. Cette stratégie non, est honteuse. C'est faux. Non, non. Objection. Bah peut-être qu'il existe dans les comics. Après tout, c'est devenu tellement culte que peut-être. Il existe dans les comics. Désolé. On va te donner le bénéfice du doute, mais il faut quand même que tu trouves un autre argument. Mais il danse pas dans les comics. Je suis désolé, il existe. Non, puis. Mais enfin, désolé. Il arrive quand même à foutre la misère à un plein de personnages. Ouais, des fougères. Ah oui, justement. Justement, il arrive à mettre la misère à plein de personnages avec des branches, avec des fougères. Désolé. Oh mon dieu! Oh, c'était beau! Il même pas à défendre un mais non, mais c'est vrai! Il n'arrive pas à défendre un non, mais c'est ne sois jamais avocat, t'arrives même pas à défendre un homme, quoi! Allez, on va redescendre deux secondes. Arnaud, l'arbre est en feu, est-ce que tu veux donner un coup de grâce et dire pourquoi Hulkling devrait battre Groot? Parce qu'a priori, c'est pas évident. Alors déjà, Hulkling, c'est un métamorphe, donc il peut se changer en ce qu'il veut, pour foutre la en arbre s'il veut, oui, s'il veut, pour se mettre au même niveau que lui, il peut essayer, mais contrairement à Groot, il a d'autres pouvoirs, hein. Déjà, il a un pouvoir de guérison, il guérit très vite, hein. Déjà. Moi aussi. Oui, mais Groot, tu le coupes en entier, ça y est, c'est fini, il reste une brindille et il est mort. Non, tu le replantes. Oui, tu le replantes, mais ça prend du temps à repousser aussi. Hulkling, il guérit beaucoup plus vite, et en plus, son corps change en fonction des dégâts, en fait. Ses organes peuvent se réorganiser en fonction des plaies qu'il peut avoir pour donner plus de puissance ailleurs ou autre ouais, chose. Ouais, bah, il va toucher de la merde, ça va devenir de la merde, hein. Comme ton argument. Voilà. Et son père, c'est quand même Captain Marvel. C'est pas n'importe qui. Il vit sur Terre, mais il peut aussi bien régner chez les Kree que chez les Skrull, même si c'est compliqué. Et en plus, attention, c'est l'un des rares personnages gays qui est en plus adolescent. Donc, pour les lecteurs adolescents, ça peut être une facilité pour s'identifier. Et c'est tellement rare d'avoir des personnages gays qui soient en plus adolescents, que ce soit aussi bien traité dans les comics et que ce soit pas juste des arguments de vente, etc. C'est vraiment inséré dans les intrigues des personnages, dans le développement des personnages, comme on peut voir peut-être même plus dans la nouvelle série Young Avengers de 2012, plus que dans la première de 2005. Et quand même, avec on voit son petit copain dans les comics, et c'est sans doute, peut-être pas le premier, mais l'un des premiers bisouillés des comics. Ok. Donc voilà pour la diversité. Oui, c'est Wiccan Nib. Ok, on va passer au vote. Chaque personnage a obtenu un point de la part des auditeurs. Ils sont arrivés sixième et septième, je crois. Arnaud, tu donnes ton point évidemment à Hulkling. Oui. Clément, tu donnes ton point à Groot. Et toi, Byron? Moi, je vais donner à Hulkling. Parce que, ben, en fait, Groot, j'aime pas. Elvire? Ben, moi, je sais pas. C'est embêtant. C'est embêtant parce que j'aime bien Groot, mais on doit pas se baser sur le personnage qu'on aime le plus. On doit baser aussi sur l'argumentation qui a été faite. Ouais, mais même, bah... c'est un mélange des deux. Un mélange des deux. Ah, non, Hulkling. Hulkling? Ouais. Pour la diversité. Nib. Hulkling, hein, l'argumentation n'est plus à faire. Même si j'aime j'adore, ça. Je préfère Wiccan à Hulkling, donc le petit copain de Hulkling. Mais Groot quand même. Allez, Groot. 8 points pour Hulkling, 4 points pour Groot. Et bim! Hulkling passe au stade suivant. On devrait faire un jingle de et bim. ça peut se faire. Arnaud, tu as une chance de faire le grand chelem et de qualifier les trois personnages que tu représentes dans cette émission en défendant Kate Kane, Batwoman. Décidément, c'est l'émission de la diversité pour toi. Mais alors attention, parce qu'en face de toi, il y a Captain America, mais il y a surtout Elvire. Ah, enfin. Ça va changer, là, les arguments, il va y en avoir. Hein. C'est clair. Ouais, il y en aura plus que moi, je pense. J'aurais dû garder mon Joker, là. Il y a des chances. Elvire, vas-y. À moi d'abord. Ah bah oui, Captain America, tout ça, pourquoi il devrait gagner, voilà, allez. Alors, vite fait, qui est Captain America? Donc à la base, c'est Steve Rogers. Donc il a participé à une expérience pendant la guerre et il est devenu Captain America pour aider les troupes américaines à combattre le nazisme, tout ça. Et il est revenu il a été mis en glace. Il a été mis en glace et il est revenu dans notre temps et maintenant il fait partie des célèbres Avengers. Pourquoi j'ai choisi Captain America? Parce que il y a un fil rouge dans tous les héros que j'ai choisis. J'ai un gros problème avec la justice. Donc j'aime bien les personnages qui défendent un idéal de justice et Captain America le représente. Mais contrairement à ce qui pourrait transparaître dans les si on regarde juste les films où c'est juste un petit garçon très poli qu'on doit faire attention à son langage et tout ça, dans les comics surtout dans Civil War, on voit qu'il ne suit pas aveuglément tous les ordres comme ce qu'on pourrait attendre d'un soldat. Il questionne quand même, il se remet en question. Et il essaie de faire toujours ce qu'il pense juste, même si le gouvernement n'est pas d'accord avec lui. Et donc j'aime bien dans les comics cette capacité qu'il a à pas juste écouter aveuglément et à avoir quand même sa conscience. Et voilà. Ok. Arnaud, je te laisse présenter Kate Kane Batwoman et expliquer aussi à la suite pourquoi elle devrait battre Captain America. Il y a eu plusieurs Batwoman, comme on a pu déjà l'expliquer. Déjà dès les années 50, Kitty Kane, mais la Kate Kane, c'est un nouveau personnage qui est apparu en 2006. Alors ça n'a rien à voir, presque rien à voir avec Batman, c'est pas genre une cousine ou quelque chose comme ça. Elle est assez indépendante de l'univers de la Bat-Family. Et donc en fait, c'est une ancienne soldat dans l'armée américaine qui a été virée de l'armée parce qu'elle est lesbienne et il y avait une loi avant qui interdisait les soldats de révéler leur homosexualité. Et si c'était le cas, ils étaient virés de l'armée. Mais comme c'est une femme forte qui a une vraie volonté d'aider les gens à cause de certaines tragédies et de déceptions dans sa vie, elle veut vraiment aider les gens et donc elle essaye quand même de faire le bien en prenant le costume du super-héros qui l'a inspiré, Batman, donc elle devient Batwoman. Et comme c'est aussi une femme riche, elle a la possibilité d'acheter son propre équipement, elle est aidée par son père qui est un militaire, etc. Donc elle est assez indépendante de Bruce Wayne et de la Bat-Family, tout ça. Même Bruce Wayne ne sait pas qui se cache derrière Batwoman, qui est sans doute le seul personnage de l'univers. Mais c'est... Batman prouve que malgré la société patriarcale, les femmes, comme justement le disait Elvire pour She-Hulk, les femmes sont très peu représentées. Oh là là, comment il est en train de retourner les arguments d'Elvire contre elle. Les femmes sont très peu représentées, donc il faut vraiment aider cette mise en avant des femmes. Et donc là, c'est une femme qui peut se battre, écrire des comics, ça. Qui peut faire la différence, qui veut faire la différence aussi. Et c'est pas facile parce que on connaît la société dans laquelle elle vit. Donc déjà, c'est une femme dans une société patriarcale. elle est rousse. Il y a beaucoup de discrimination vers les roux et les rousses. Dans la société dans laquelle on vit, on est surtout catholique. Et sauf qu'elle est juive, comme Miss Marvel, comme Anaka. Enfin, elle est pas... Ah non, elle est musulmane. Non, elle est musulmane. Oh, faute, non, non. Faute. C'est pas, je voulais dire, c'est une religion qui est moins mise en avant comme Anaka. Et donc, et aussi, comme je l'ai dit, elle est lesbienne. Donc, beaucoup de diversité dans ce personnage. Et c'est bien, justement, que, en plus, ce n'est pas juste une facilité pour dire, on va mettre la totale sur le personnage, comme ça, on n'en fait qu'un seul. C'est pas totalement mis en avant, c'est traité très intelligemment dans le scénario. Et c'est pas juste, pour dire, on va mettre l'ensemble lesbienne, rousse, etc. C'est vraiment traité intelligemment. Ça s'imbrique bien dans le scénario. Et un scénario, en plus, qui apporte beaucoup de magie également, qui est assez rare dans l'univers de Batman. Et donc, par exemple, dans ses amis, elle a un loup-garou. Elle est aidée par le DEUS, une autre organisation qui s'occupe des choses magiques, dont son patron est un crâne, c'est un squelette, qui fume des cigares, il est à la classe. Et donc, c'est un personnage qui est déjà une femme, qui représente beaucoup la diversité, qui a une autre aussi, c'est pas un comics indépendant, mais dans la façon de traiter la narration et surtout le découpage de J.H. Ah, bah alors là, je vais devoir t'arrêter parce que tu défends la série et pas le personnage. Bim! Et ben, le personnage est très bien mis en avant dans les pages. C'est très bien fait. Et l'intrigue du personnage s'imbrique bien dans une volonté de DC de s'ouvrir, alors qu'on sait que DC a plus de mal à aller de l'avant et est plutôt conservateur. Bon, Elvire Arnaud a sorti l'artillerie lourde pour Batwoman. Est-ce que tu as quelques arguments pour dire que non, elle ne devrait pas gagner? Non, on va laisser les arguments là, puis on va voir des votes. Tu es confiante, donc. Moi, j'utilise mon Joker. Exactement, c'est ce que j'allais te demander. Arnaud, est-ce que tu utilises ton Joker? Est-ce que tu te débarrasses de Captain America? Oui. Non. Au revoir, Captain America. Non, mais en plus, parce que j'allais faire un beau geste, j'allais voter pour Batwoman, putain. Tu m'empêches... Mais les autres l'auraient pas fait. J'ai mal vendu. Je pense que tu étais tellement en feu au niveau de l'argumentaire ce soir que si t'aurais pu faire gagner un tapis, je pense. Non, je l'ai mal vendu personnage. Donc, Catwoman Batwoman passe le cap suivant. Allez, on va enchaîner. Harley Quinn revient contre Marco et c'est la revanche. Elvire contre Arnaud. On ne va pas représenter les personnages. Pourquoi Elvire, Harley Quinn devrait-elle battre Marco? Elvire. Oui. Voilà, le plus grand argument d'Arnaud, c'était tout ce qui était magie extraterrestre. Voilà, pour les personnes qui préfèrent des héros humains, bah voilà, il y a Harley. C'est face à Marco, en tout cas, c'est Harley Quinn. Et parce que sa psychologie est vraiment très intéressante. Voilà, ça passe quand même d'une femme qui était quelqu'un de bien, entre guillemets, de bien insérée dans la société et qui prend la place des patients qu'elle était censée aider à réinsérer. Sa dynamique avec le Joker est très très intéressante et elle est badass. Elle est vachement badass. Allez Arnaud, Marco, pourquoi il devrait battre Harley Quinn? Dans deux trois phrases et on passe au point. Parce que alors certes Harley Quinn, il y a une très grande dimension psychologique autour de Harley Quinn, mais c'est pas laissé de côté dans saga. C'est vraiment aussi quelque chose qui est traité dans le comics. Et en plus, Marco, c'est un personnage intéressant parce que c'était un soldat, donc il suivait les ordres, etc. Finalement, il s'est rebellé parce qu'il n'est pas d'accord avec ce gars, il en a marre, il est tombé amoureux, et il a juré à cause de tout ce qu'il a pu commettre pour une guerre, pour laquelle il ne croyait pas, il s'est juré de ne plus tuer de personnes inutiles, de ne plus commettre d'actes de violence extrême. Mais il le fait uniquement quand c'est nécessaire pour sauver sa famille, sauver l'avenir, puisque on peut peut-être s'imaginer que sa fille hybride peut sauver, peut arrêter cette guerre, etc. Et donc, même si il y a des aliens, même s'il y a de la magie, etc., la dimension psychologique est pas laissée de côté. Et il y a quand même un poids sur la conscience qui pèse. Et c'est assez difficile parfois. Et ça remet beaucoup de choses en question dans les comics, dans saga. Et donc, même s'il y a de l'action, des aliens, de la magie, il y a aussi de la psychologie. Donc tout dans un comics. Ok, et je t'adresse un deuxième avertissement. Attention, la prochaine fois, tu défendais encore la série et pas le personnage. Harley Quinn avait récolté 3 points des auditeurs, 2 points pour Marco. Vous donnez chacun, j'imagine, votre point à votre personnage, à moins qu'on ait une surprise. Non. Non, pas de surprise. Clément. Marco. Byron. Harley Quinn. Nib. Marco. J'aime tellement ce personnage. Non mais Marco quoi, bordel. Non, j'y croyais pas pour les autres. Ah, d'accord. Marco passe donc en finale. Et Clément, Arnaud, je veux dire, tu vas devoir nous dire qui de Kling ou de Kate Kane Batwoman pour toi devrait le rejoindre. Deux de tes personnages. Batwoman. Batwoman pour toi, on va garder tes argumentaires en tête pour les deux personnages, et on va passer directement au vote. 2 points pour Kate Kane de la part des auditeurs et 1 point pour Hulkling. Et toi, Elvire? Batwoman. Clément? Batwoman. Byron? Batwoman. Nib? Je vais voter pour Batwoman parce que Arnaud, contrairement à ce que tu disais, tu l'as au contraire très bien vendu. Tellement bien vendu que je connaissais tellement pas que tu m'as donné envie de la connaître, en fait. Ouais, je suis content, alors. Je t'ai donné envie de lire. Et non, moi pas. Ouais, je connaissais pas du tout. Je vais voter aussi pour Batwoman parce que j'aurais adoré voter pour elle au tour précédent. Batwoman vient de poutrer Hulkling, donc 13 à 1, et passe en finale pour affronter Marco. Et je vais te demander le même exercice, Arnaud, parce que forcément, c'est un de tes personnages qui se qualifiera peut-être pour la grande finale. C'est Marco contre Batwoman. L'affrontement que j'aurais jamais vu arriver quand j'ai vu la liste des personnages. Tu peux me rappeler leur point des auditeurs? Alors, 2 pour Marco et 2 pour Batwoman. Ça m'aide pas à savoir. Tiens, un ex-écho. Marco, Batwoman... Je vais faire un truc horrible, je vais te laisser réfléchir et je vais demander aux autres de donner leurs points. Comme ça, s'il y a égalité, tu seras encore plus dans la merde. Byron. Batwoman pour Byron. Clément. Marco pour Clément. Elvire. Batwoman. Nib. Les deux personnages sont super bien vendus, mais je vais quand même choisir Batwoman. Batwoman pour Nib. Pour moi, c'est Marco, parce que forever. Du coup, ça donne... Arnaud, ton point. Ça donne quoi? Ça donne pour le moment 8 pour Kate Kane et 6 pour Marco, qui est donc d'office éliminé, puisque tu n'as qu'un point à donner. Ouais. Donc c'est... Donc tu le donnes pour la forme, à qui? Batwoman. Batwoman qui remporte donc 9 à 6 ce combat final et qui est donc censé rejoindre la grande finale du 6 septembre, mais il y a un twist. Et un des personnages éliminés d'entrée refait surface, et c'est toi, Nib, qui va devoir nous le défendre. Quoi? C'est qui? Pourquoi tant que Ben? Puisque c'est l'oncle Ben qui... Allez, c'est bon, on passe. Je fais partie des personnages non tirés au sort. Nib, tu as 1 minute pour nous dire pourquoi l'oncle Ben devrait être échangé avec Batwoman et accéder à la finale. Ah, c'est, c'est une expression de Clément, mais Batwoman, elle est géniale comment elle a été présentée. Oncle Ben, c'est une figure paternelle pour Spider-Man, parce que, ses parents sont morts, hein, logique. Mais surtout, c'est l'homme qui a toujours été là au long de sa vie. C'est le moteur principal de toute sa carrière, entre guillemets. Donc rien que pour ça, c'est une icône, c'est une légende. Donc, je peux pas. C'est pour ça que j'ai choisi. Je suis fan de Spider-Man, donc Oncle Ben, ça a toujours été une sorte d'ange, quoi. C'est si Spider-Man est toujours aussi droit, c'est grâce à Oncle Ben. Donc voilà, quoi. D'accord. C'est une belle défense. Arnaud, j'imagine que tu ne veux pas l'échanger contre Batwoman. Tu veux garder ta Batwoman en finale. Si c'était pas Batwoman ou un des personnages en face, j'aurais voté pour Oncle Ben. Non, désolé. Byron. Batwoman. Elvire. J'ai rigolé à la base, mais l'argumentation de Nîmes m'a touché, donc je vais voter pour Oncle Ben. Merci. Clément. Oncle Ben, c'est ça? D'accord. Il reste qui encore qui doit voter? Personne? C'est toi. C'est moi le dernier. Et Nib, t'as été incroyable sur ta défense. Je m'attendais pas du tout à ça. Merci. Mais j'ai... Non. Allez. J'utilise mon Joker! Tu peux pas. Allez, Oncle Ben! Mais oui! Allez, tu peux revenir pour le faire crever encore une fois! Oui, non, ça serait trop cruel. ça serait trop cruel. Et la défense est tellement belle. La défense est tellement belle que je vais soutenir Oncle Ben. Pourtant, Batman est génial, Arnaud. Franchement, c'est voilà. Non, mais je suis d'accord sur l'argument. Il était génial. Mais c'était Batman en face. C'est mon préféré. Oncle Ben accède donc à la victime en direct le 6 septembre. C'est la première fois que ce twist change le destin. Et bim, voilà, là ça le vaut là. Mais attention, attention, on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri d'un autre twist à la grande finale. Je m'en fous, j'ai réussi à porter Oncle Ben aussi. On se retrouve la semaine prochaine pour savoir qui rejoindra l'Oncle Ben en finale des Infinite Wars. D'ici là, profitez bien de vos vacances. Et à bientôt. Salut. Salut. Salut. Salut. Salut.